J'entre en quatrième. Professeur Turfin. Il a du mépris pour les pions, du mépris pour les pauvres, maltraite les boursiers et se moque des malvêtus. Il fait rire les autres à mes dépens. Je crois qu'il le fait rire de ma mère aussi. Je le hais. Je ne suis plus qu'une bête à pinsom. Des lignes, des arrêts, des retenues, du cachot. Je préfère le cachot à la retenue. Je suis libre entre mes quatre murs. Je siffle, je fais des boulettes, je dessine des bonshommes, je joue au billet tout seul. Avec des morceaux de bois et des bouts de ficelle, je monte les potences auxquelles je pends, Turfin. Je me remets à la besogne vers le soir et je fais mon pinsom. On me renvoie à 9 h à la maison. Il se trouve qu'il y a quelquefois dans mes pinsoms des « Turfin pignouf, Turfin crétin ». Mardi matin. C'était composition en version latine. Je cherchais un mot dans un dictionnaire tout petit que mon père m'a donné à la place de Quichera. Turfin croit que c'est une traduction. Il s'avance et me demande le livre que je cachais tout à l'heure. Je lui montre le petit dictionnaire. « Ce n'est pas celui-là. »« Si, monsieur, vous copiez votre version. »« Ce n'est pas vrai. » Je n'ai pas fini le mot qu'il me soufflette. Mon père et ma mère me battent, mais eux seuls dans le monde ont le droit de me frapper. Celui-là me bat parce qu'il déteste les pauvres. Il me bat pour indiquer qu'il l'a mis du sous-préfet, qu'il a été reçu second à l'agrégation. Mon père, au lieu de se fâcher contre Turfin, s'est tourné contre moi, parce que Turfin est son collègue, parce que Turfin est influent dans le lycée, parce qu'il pense avec raison que quelques coups de plus ou de moins ne feront pas grand-chose sur ma caboche. Non, mais ils font marque dans mon cœur. J'ai un mouvement de colère sourd contre mon père. Je n'ai plus pu tenir. Il faut que je m'échappe de la maison et du collège. Où irai-je? À Toulon. Je m'embarquerai comme mousse sur un navire et je ferai le tour du monde, malgré toutes les punitions que l'on pourra alors m'infliger. Car Turfin, lui, peut me tourmenter tant qu'il voudra, sans que je puisse me venger. Mon père peut me faire pleurer et saigner pendant toute ma jeunesse. Je lui dois l'obéissance et le respect. Les règles de la vie de famille lui donnent droit de vie et de mort sur moi. Je suis un mauvais sujet, après tout. On mérite d'avoir la tête cognée et les côtes cassées quand, au lieu d'apprendre le verbe grec, on regarde passer les nuages ou voler les mouches. On est un fainéant et un drôle quand on veut être cordonnier, vivre dans la poix et la colle, tirer le fil, manier le tranché, au lieu de rêver une toge de professeur avec une toque et de l'hermine. On est un insolent vis-à-vis de son père quand on pense qu'avec la toge, on est pauvre, qu'avec le tablier de cuir, on est libre. C'est moi qui ai tort. Il a raison de me battre. Je le déshonore avec mes goûts vulgaires, mes instincts d'apprenti, mes manies d'ouvrier. Mes parents m'ont donné l'éducation, et je n'en veux plus. Je me plais mieux avec les laboureurs et les savetiers qu'avec les agrégés. Je vais plus loin, hypocrite que je suis. Je me dis qu'il faut m'exercer, me tâter, m'endurcir, et je cherche tous les prétextes possibles pour qu'on me rosse. J'enverrai de dur sur le navire. Il faut que je me rompe d'avance, ou plutôt qu'on me rompe au métier. Partirai-je seul? C'est bien ennuyeux. Et puis, à plusieurs, on peut s'emparer de navires, faire le corsaire, au besoin, mener des révoltes, et quand on est fatigué, fournir une colonie. Qui entraînerai-je dans cette expédition?